Matière à penser, Antoine Garapon. Matière à penser va revenir ce soir sur une question très ancienne et qui pourrait aussi être très actuelle. Comment jugeait-on les fous au Moyen-Âge ? Ou plus exactement, comment ne les jugeait-on pas d'ailleurs, parce qu'ils étaient souvent exemptés. Et on va tenter de répondre à cette question avec Maude Ternon, qui est une historienne et qui vient de publier au PUF un ouvrage intitulé « Juger les fous au Moyen-Âge dans les tribunaux royaux en France ». Et d'ailleurs, ce livre a été couronné par le prix Jean Favier en 2015. Alors, Maud Ternon, bonsoir. Bonsoir Antoine Garapon. Alors, juger les fous, est-ce que vous avez trouvé en tant qu'historienne, c'est une question qu'on se pose, parce que vous expliquez dans votre livre que dans le fond, on les jugeait assez peu. Donc, il n'y avait pas beaucoup de matériaux pour vous, il n'y avait pas beaucoup de matière, pas beaucoup de procès, pas beaucoup d'affaires très très scrupuleusement décrites. C'est vrai, tout à fait, essentiellement sur le volet pénal. C'est surtout au pénal que les fous donc échappaient à l'ensemble du procès. Donc, dans les registres de la justice criminelle du Moyen-Âge, on les trouve très peu. Et c'est pour ça que la question restait encore assez peu étudiée. Les fous représentent seulement 1% des cas de crimes jugés sur la scène de justice médiévale en général. Alors qu'ils devaient être beaucoup plus nombreux dans la réalité. On peut le supposer. On n'a pas donc par conséquent de chiffres plus précis. Mais on a des études anglaises très intéressantes. On a l'impression que les Italiens où les Anglais ont fait des études plus rigoureuses sur les fous, la condition de la folie au Moyen-Âge. Alors, pour l'Angleterre, on a des choses plus étoffées. Effectivement, les archives sont plus étoffées, mais pas les archives criminelles, les archives de la justice civile. Tout ce qui relève des jugements de curatelle. Les fous qui étaient placés sous curatelle sont mieux éclairés par les archives anglaises. C'est ça. Alors, on va revenir sur tous ces termes pour nos auditeurs, la curatelle, le civil, le pénal. Mais la première question qu'il faut se poser, et pour laquelle on est peut-être d'ailleurs victime de clichés, c'est comment est-ce qu'on identifiait la folie au Moyen-Âge ? Est-ce qu'il y avait des certificats médicaux ? Est-ce qu'on faisait venir des médecins ? Quelles étaient les représentations que vous avez vues dans les dossiers ? Alors la première chose qu'il faut dire, si on part de notre point de vue actuel, nous qui sommes très marqués par l'expertise médicale de la folie et l'expertise psychiatrique, c'est qu'elle est absente au Moyen-Âge. Il n'y a pas d'expertise psychiatrique et il n'y a quasiment pas d'expertise médicale. Les tribunaux médiévaux ne ressentent pas ou quasiment pas le besoin de faire appel à des médecins pour reconnaître la folie. En même temps qu'ils sont très soigneux, c'est surprenant de voir à quel point ils sont très soigneux pour identifier la folie, c'est-à-dire qu'ils cherchent la folie à travers les actes, à travers les modalités de l'acte, Maud Ternon. Oui, ce qui est examiné, ce sont les actes, les actions, donc les comportements de la personne, d'une part, et d'autre part, les discours que tient cette personne. Ces deux catégories, les actes et les discours, c'est ce qu'on trouve dans la doctrine juridique médiévale, qui est une héritière en cela du droit romain de l'Antiquité. En France, en tout cas. C'est vrai, en fait, pour toute l'Europe, étant donné que l'Europe médiévale a repris à son compte le droit romain. Y compris l'Angleterre. Et pour l'Angleterre, les choses sont un peu différentes, effectivement. Et les enquêtes anglaises qu'on a retrouvées dans les archives contiennent effectivement des questionnaires posés aux fous qui sont plus complets que ce qu'on trouve en France. C'est amusant. C'est amusant parce qu'on voit, une très grande permanence. Et vous insistez sur le fait, qui est toujours le cas aujourd'hui, je pense à la loi de 2011 sur le contrôle des hôpitaux psychiatriques, qu'on a vu d'ailleurs dans le récent film de Raymond Depardon, il fallait que le juge lui-même voie le fou. Il y avait un constat par le juge. Oui, absolument. Le juge médiéval, qui de manière générale est un juge qui possède des pouvoirs étendus et qui jouit d'une autorité, d'une dignité très, très reconnue et à laquelle il tient beaucoup. Donc le juge médiéval possède une capacité d'avoir un regard sur la folie et peut examiner lui-même donc la personne du suspect. Et parfois, dans les cas, disons, les plus simples, il peut déterminer lui-même si la personne est folle ou non. C'est ça. Alors, il y a cette idée qui a été popularisée, entre autres, par Foucault, mais qui est très répandue, je crois. C'est-à-dire que le fou, au Moyen-Âge, on considère qu'il est possédé par le démon, qu'il est sous l'emprise des forces surnaturelles. Il faut donc exorciser le fou. Est-ce que c'était aussi vrai chez les juges médiévaux? Est-ce qu'ils croyaient à cette affaire de possession? Alors, les juges que j'ai eus, si je puis dire, sous les yeux à travers les archives que j'ai étudiées, non, ils y croient très peu à cette possibilité de la possession. Je rappelle donc que les archives que j'ai étudiées, ce sont celles d'une part du grand tribunal royal, tribunal d'appel, le Parlement de Paris, le grand tribunal du royaume. D'autre part, le tribunal du Châtelet de Paris, qui est la cour de justice du prévôt royal à Paris. Qu'est-ce que c'est l'équivalent du prévôt royal aujourd'hui? Ça serait quoi? Bah, écoutez, le prévôt royal pour Paris, c'était le premier officier du roi pour gouverner Paris et pour juger, pour exercer la justice à Paris. Voilà. Et donc, ces gens-là ne croient pas beaucoup à la possession. Ils ne mentionnent pas ils ne font pas de théologie et ils ne mentionnent pas de référence surnaturelle. Voilà, ils évitent de mentionner les références à la possession. Or, ces références, ces rapprochements entre la folie et la possession, ils existent à cette période-là. Dans le peuple, pour parler de manière assez générale, les gens y croient assez facilement. Et puis les gens d'église, évidemment, y croient facilement. Et donc, par exemple, des juges d'église, qui donc sont d'autres types de juges que ceux que j'ai étudiés, vont beaucoup plus facilement faire le rapprochement entre folie et possession. Les prêtres, les curés, lorsqu'ils racontent les miracles des saints à leurs ouailles, font ce rapprochement entre folie et possession. Mais à l'époque dont nous parlons, la fin du Moyen-Âge, il y a des opinions assez contrastées qui coexistent au sein de la société médiévale. Et donc, le cadre que moi j'ai observé, ce cadre judiciaire, est un petit peu hermétique à ce rapprochement entre folie et possession. Et puis, on va dépêcher des juges royaux qui vont se rendre sur place quand les personnes ne sont pas amenées. C'est-à-dire que, encore une fois, grande, grande attention. Mais alors, on se demande si c'est une attention aux personnes ou si c'est pas plutôt une attention aux biens. C'est-à-dire que, à vous lire, on se demande si, La véritable préoccupation du juge médiéval, c'est que le patrimoine soit bien transmis, ne soit pas dilapidé, qu'il suive les voies ordinaires du gouvernement, du bon gouvernement, on dit à l'époque, c'est-à-dire que, ce qui prouve la folie, c'est la prodigalité, c'est le fait que quelqu'un dépense sans considérer tous ses biens. Tout à fait. Alors, les juges médiévaux héritent là encore des conceptions du droit romain. Et dans le droit romain depuis l'Antiquité, il y a deux aspects qui coexistent lorsqu'on parle des curatelles, de la protection des biens. Curatelle, c'est quand on demande à quelqu'un de prendre en charge l'administration des biens d'une personne démente. Voilà, tout à fait. Et donc, la curatelle, c'est à la fois un pouvoir sur les biens, donc le pouvoir de gérer des biens à la place du fou, et c'est aussi la protection de la personne du fou et de ses droits. Et cette ambivalence... Mais qui commence par les biens? Disons que c'est une ambivalence qui est très ancienne, qui existe, qui est là, qui est présente depuis l'Antiquité, et elle est aussi présente au Moyen-Âge. Et elle est toujours présente aujourd'hui, entre parenthèses. Vous n'avez pas fait votre thèse sur le contemporain, mais c'est très frappant de voir qu'aujourd'hui, en France, pour ne parler que de notre pays, cette ambiguïté n'est pas complètement levée. Le juge des tutelles est d'abord un juge de la tutelle au bien. Il se trouve qu'en même temps, il peut protéger, aider, accompagner une personne qui n'a pas toutes ses facultés mentales. Il il n'empêche que cette ambiguïté, c'est ça qui est très intéressant, c'est de voir qu'entre le Moyen-Âge et aujourd'hui, et vous nous dites depuis les Romains et aujourd'hui, dans notre attitude juridique, objective, institutionnelle par rapport aux fous, eh bien, on n'a pas tellement fait bouger les lignes. Mais absolument, moi j'ai été absolument frappée dans mon étude de voir la continuité des choses et la persistance des principes romains. On se rend compte à quel point ces principes étaient et ce droit romain était incroyablement bien conçu et conçu pour durer. Voilà. Et conçu par des administrateurs, conçu par des gens, des pragmatiques qui avaient le souci de la, effectivement, des biens, des objets, du patrimoine, qui avaient finalement cette idée qui reste très profonde dans le droit romain et toujours aujourd'hui, c'est-à-dire que à travers les choses et la stabilité des choses, c'est la stabilité sociale que l'on organise et que l'on préserve. Absolument. Et justement, ce qui a changé entre sans doute l'époque antique, en tout cas la période médiévale et aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que le cadre de base de la société aujourd'hui n'est quand même plus tellement la famille. Bon, évidemment, ça donne matière à discussion, mais à la période médiévale, ce que les juges cherchent à préserver en préservant les biens et le patrimoine, c'est en grande partie la famille, le lignage. Parce que ce patrimoine, il appartient à une famille, à une collectivité, parentèle. Oui, hein, tout à fait, une collectivité familiale. Et il s'agit de préserver l'intégrité de ce patrimoine et le fait que ce patrimoine se transmet de génération en génération au sein d'une parentèle. C'est ça. D'où cette expression d'ailleurs, qui est une expression qui est parfaitement française, qui parle de petit gouvernement. Le petit gouvernement, ça veut dire en fait la prise en charge de la gestion à la fois d'une personne qui n'a plus ses facultés mentales et de ses biens, de façon à toujours cette idée de gouvernement. De gouvernement, c'est-à-dire que ça reste dans la famille, que ce ne soit pas dilapidé, que ça puisse être transmis. Grande idée de la transmission au Moyen-Âge. Oui, absolument. Ces deux mots pour la période médiévale sont essentiels. Et d'ailleurs, les médiévistes à l'heure actuelle utilisent beaucoup ce mot de gouvernement. Ce bon gouvernement, ce mauvais gouvernement, c'est un mot que nous, médiévistes, nous trouvons beaucoup dans les sources et que nous explorons beaucoup à l'heure actuelle dans les colloques, etc. Et pour ce que j'ai étudié, moi, le bon gouvernement, c'est le bon gouvernement des familles. C'est le bon gouvernement domestique. Et gouvernement, on le traduirait aujourd'hui peut-être par la conduite. C'est la bonne conduite de soi, la bonne conduite, la bonne gestion de son argent. Et donc, parce qu'il y a une continuité entre le gouvernement de soi, le gouvernement de ses proches, des autres, de la famille, et le gouvernement avec un G majuscule, c'est-à-dire celui de la patrie. On retrouve le même vocabulaire, celui de la absolument, patrie. Absolument, absolument. C'est très intéressant ça ressort de la manière dont on jugeait les fous au Moyen-Âge. Alors, il y a les questions civiles, les biens, la tutelle, mais aussi parfois les malheureux commettent des délits affreux d'ailleurs, des délits un peu incohérents. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe, Maud Ternon ? Lorsqu'un crime très, très grave est commis, eh bien, la justice est saisie. Le criminel donc, qui est dément... peut faire quelque chose qui se fait souvent à la période médiévale. Il se met en franchise, c'est-à-dire... Ça veut dire quoi, se mettre en franchise ? Ça veut dire qu'il va chercher à se réfugier dans un lieu où la justice ne peut pas l'atteindre. Ça peut être une église, par exemple, où il est préservé de la main de la justice. Il ne va donc pas être pris en... En même temps qu'il est sous la... coupe sous la main de l'Église. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Et la protection. La protection de l'Église. Bien souvent aussi, il y a une fuite du criminel, du coupable. Hein. Lorsqu'il se sait coupable de manière évidente, il fuit dans la région d'à côté, dans le pays voisin. Ce sont des choses qui se font. Bon, ou sinon, il est fait prisonnier, bien sûr. Et là, le juge est saisi. Il va alors ordonner une enquête préliminaire sur les faits. Et dans cette enquête préliminaire, eh bien, si la réalité de la folie apparaît rapidement, si le juge la constate comme une évidence, eh bien là, les poursuites vont être annulées. Tout le processus justicier s'annule parce que on ne mène pas un procès contre un dément. Là encore, on remonte au droit romain, c'est la loi des 12 tables. C'est-à-dire, on ne punit que quelqu'un qui a la volonté, l'intention de nuire, de transgresser. S'il n'a pas sa volonté, eh bien, il n'est pas punissable. Absolument. Hein. Ce sont les principes, ce sont des principes très anciens et c'est un principe qui a beaucoup de force au Moyen-Âge. Bon, cela dit, le Moyen-Âge, c'est, comme on le constate souvent, est une époque pleine de contrastes et de diversité, en fait. Donc, on voit aussi dans les archives criminelles des procès menés contre des fous, en réalité. Et pourquoi dans ces cas-là? Pourquoi est-ce que... Parce que quelque chose qui me frappe, moi, en tant que moderne, quand un fou commet un délit grave, qu'il trouble gravement l'ordre public, qu'il y a une émotion sociale, que l'opinion publique est choquée par ce qu'il a fait. Je pense à l'affaire de Pau, par exemple, hein, il y a quelques années, sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Eh bien, aujourd'hui, on a eu une opinion publique extrêmement effervescente qui va vouloir une condamnation. Et à vous lire, au Moyen-Âge, l'opinion publique n'existe pas, peut-être, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, elle ne réclame pas vengeance, elle ne réclame pas des jugements lorsque la personne est déclarée démente. Il y a plusieurs mots, d'ailleurs, pour parler de ça, on dit qu'elle est démente ou qu'elle est furieuse ou qu'elle est insaine également. Oui, alors les mots, on pourra y revenir, il y a des mots, plusieurs mots en français et plusieurs mots en latin, effectivement il y a toute une liste de termes. Mais revenons sur l'opinion publique. L'opinion publique ne bouge pas quand il y a un crime grave qui a été commis et qu'il a été commis par un fou. Alors si, absolument. Donc il n'y a pas d'opinion publique à l'échelle du royaume qui soit constituée vraiment à cette période-là, en tout cas en ce qui concerne les crimes. Mais évidemment, si un crime grave est commis, les esprits se chauffent et se saisissent de l'affaire au niveau local ou à un niveau un petit peu plus large. Et là, la question de la folie peut être soulevée par l'opinion, par le voisinage. Surtout que rien ne prouve que la folie n'est pas simulée en réalité. Tout à fait, on se pose cette question-là. C'est ça. Alors donc, l'opinion réclame justice et dans ce cas-là, on en appelle au roi et le roi peut prendre une lettre de rémission. Ça, c'est quelque chose. Je pense que nos contemporains, pour le coup, ça n'existe plus. Quoi, ça n'existe plus. C'est le décret du préfet en réalité. Hein. C'est le décret du préfet qui est un décret qui interne un malade mental. Et là, sous l'Ancien Régime, dès le Moyen Âge, c'est une lettre de rémission. Alors, la lettre de rémission n'est pas exactement ce décret. La lettre de rémission intervient après le procès, justement. Donc, la lettre de rémission, c'est tout simplement une lettre de grâce. C'est la lettre, l'acte de chancellerie par laquelle le roi octroie sa grâce à un criminel. Donc, si le roi octroie sa grâce, c'est bien sûr que le criminel a été condamné. Ou bien qu'il est en passe de l'être et qu'il est en prison et qu'il attend son jugement et qu'il craint fortement d'être condamné. Et alors dans ce cas-là, le roi, ça va être les fonctionnaires royaux, vont rappeler les faits, vont décrire les faits et vont dire que le roi remet, acquitte en quelque sorte ou donne sa grâce au démon. Voilà, la lettre de rémission, c'est un acte qui suit un formulaire type, donc qui est relativement stéréotypé dans sa composition. Mais qui, par contre, recèle une richesse narrative extraordinaire. Pour vous, historien, c'est une mine. Absolument. Ce sont des documents extraordinaires et souvent d'une lecture très émouvante. Et qui sont rédigés par qui? Par des fonctionnaires royaux? Qui sont rédigés, qui sont tout à fait mises par écrit par les notaires de la chancellerie royale qui se situe à Paris, au cœur de Paris. Uniquement à Paris? Ou qui sont un peu partout? Non, ceux du roi, ils sont à Paris. Et donc s'il y a une affaire à Agen ou à Lectour, je pense à une affaire bien sûr très célèbre sur laquelle on reviendra, sur la famille d'Armagnac, mais il faut que ça transite jusqu'à Paris, il n'y a que Paris qui va rédiger cette lettre de rémission. Oui, absolument. Là, c'est centralisé. Les suppliants doivent venir à Paris, ce qui occasionne donc des frais, des délais, etc. C'est pour eux une entreprise importante. Et le notaire royal va écrire une lettre de rémission, va raconter l'histoire. C'est très important, le récit de l'histoire. Tout à fait. Les notaires royaux vont recevoir dans leur bureau, si on peut dire, les suppliants, le suppliant ou bien sa famille, qui vont venir lui relater l'affaire. Et dans la lettre de rémission, on trouve donc un récit de l'affaire qui est un petit peu remis en forme et remis en scène par le notaire royal. Et en ce qui concerne la folie, bien souvent, ce récit remonte assez loin, en amont, dans l'histoire personnelle du dément, pour montrer que cette personne-là a été folle depuis longtemps. On a sous les yeux le récit de ses comportements fous, de ses violences, de l'origine de sa folie, de la maladie qui a provoqué sa folie, etc. Et cela jusqu'au moment du crime fatidique. Qui est relaté lui aussi en détail. Et la fin de la lettre ensuite contient les formules stéréotypées traditionnelles de la grâce. Le roi remet le crime, il acquitte, il renvoie le criminel, il lui restitue sa bonne renommée dans le pays où il vit, dans l'endroit où il vit. Bonne renommée parce que l'honneur était de valeur centrale au Moyen-Âge. Absolument, l'honneur est vraiment une valeur fétiche pour cette société médiévale. Et comme si la lettre de rémission devait soigner la folie, commencer de soigner la folie ou soigner l'émotion sociale par le récit. Faut raconter. Tout à fait, il faut imposer une version des faits qui permette d'excuser le crime, puisque le crime a été commis, ça le roi ne le renie pas, mais il en présente une version acceptable. Dans laquelle l'honneur de la partie victime se trouve dans une certaine mesure sain et sauf. Cette lettre de rémission va être lue à voix haute dans le tribunal des lieux où le crime a été commis. Donc cette lettre est entérinée ensuite. C'est pour ça que c'est très important. C'est-à-dire que le récit qui va en être fait par le roi, par l'officier royal, par le notaire royal, va servir lors de la lecture publique à restaurer l'honneur de celui qui a été victime et donc qui sera comme ça en quelque sorte soigné, un peu apaisé par cette lecture. Voilà, ça restaure l'honneur et la paix sociale dans le lieu dont il s'agit. France Culture, matière à penser, qui reçoit ce soir Maud Ternon pour savoir comment on jugeait les fous et la folie au Moyen-Âge et qui a décidé de nous faire entendre The Judgment par Solomon Burke. Ça, The Judgment, ça va de soi quand on parle de juger les fous, mais en l'occurrence, il n'y avait pas de jugement d'ailleurs. Oui, Antoine Garapon, j'ai choisi cette chanson qui, à mon avis, donne un goût de ce que pouvait être un jugement au Moyen-Âge, quelque chose d'assez dramatique, d'assez pesant. Et la justice médiévale n'allait pas toujours au bout de sa course, oui. Et les procès s'interrompaient souvent, les parties trouvaient un accord, voilà, l'affaire pouvait se régler autrement que par une sentence finale, et c'est simplement à ça, au poids de la sentence finale que me faisait penser cette chanson Burke. Alors oui, ça terminé souvent par l'infrajudiciaire, comme on dit, c'est-à-dire en fait par des solutions trouvées entre les familles. Mais il y avait aussi une solution, alors là pour le coup c'est pas du tout moderne, c'est plus du tout en vigueur à présent, c'était le pèlerinage. Une manière d'expier, c'est vrai d'ailleurs pour la folie, mais c'est vrai pour beaucoup d'autres délits, c'était de faire un pèlerinage, alors plusieurs types de pèlerinage, Monternon. Oui, plusieurs types, parce que justement, pour les fous, il ne s'agit pas de ce qu'on appelle le pèlerinage judiciaire. Le pèlerinage judiciaire existe au Moyen-Âge. C'est quoi pèlerinage judiciaire ? Alors, le pèlerinage judiciaire, c'est un pèlerinage qui est imposé par sentence judiciaire à un criminel dans un but expiatoire. Il faut bien se rappeler qu'on est dans une France très chrétienne et que la justice laïque du Moyen-Âge est elle aussi imprégnée de dévotion, et donc il existe cette possibilité du pèlerinage judiciaire. Mais on n'en observe pas pour les fous. C'est pas une solution absolument absurde, hein, si on pense à la violence actuelle de la prison, le pèlerinage judiciaire, pourquoi pas, mais qui était pensé, vécu comme une expiation au Moyen-Âge. Oui, tout à fait. Alors, je ne me prononcerai pas pertinence pour aujourd'hui, mais en tout cas, il est utilisé au Moyen-Âge. Mais ça se fait pour des jeunes délinquants d'aller les emmener à l'autre bout de l'Europe pour marcher. C'est un peu une sorte de version moderne. Oui, ça doit avoir des vertus. Tout à fait. Thérapeutique, méditative. Oui, absolument. Alors, ça ne se faisait pas pour les fous, puisque justement, comme on l'a dit, le fou n'a pas à expier sa faute, puisqu'il n'est pas responsable de son crime. En revanche, j'ai vu à la lecture de mes archives que le pèlerinage thérapeutique était très utilisé par les populations médiévales qui voulaient guérir la folie. C'est quelle différence le pèlerinage thérapeutique ? C'est-à-dire qu'il fallait se rendre peut-être un peu moins loin ? Pas nécessairement, c'est pas une question de distance, mais une question d'objectif. Là, on se rend auprès du saint pour obtenir de lui la guérison de la maladie. Donc le pèlerinage thérapeutique s'effectue souvent sous la forme d'une neuvaine, à savoir qu'on reste 9 jours dans le sanctuaire. Et comme il s'agit de démons souvent assez agités et violents, ils sont attachés dans un endroit du sanctuaire. D'ailleurs, dans certaines églises, on a retrouvé des fers et des anneaux qui permettaient d'attacher les démons. Un de ces sanctuaires, c'est celui de Saint-Mathurin à Larchamps, près de Fontainebleau. On peut encore visiter l'église. Donc on emmenait des fous d'un peu partout en France, on les emmenait à Larchamps, à Saint-Mathurin de Larchamps. Là, ils passaient 9 jours tout seuls, attachés, accompagnés un peu nécessairement. Oui, accompagnés par leur famille. Oui, en général accompagnés par leur famille, parce que les religieux à Larchamps n'avaient pas forcément vocation à garder ces personnes qui devaient être difficiles à garder. Donc plutôt accompagnés par leur famille. Larchamps attirait des fous sur plusieurs centaines de kilomètres à la ronde. Mais il existait d'autres sanctuaires en France qui pouvaient guérir les fous ou les posséder. Les fous et les possédés. C'est deux choses différentes, les possédés. Ça pouvait être soit associé, soit confondu, soit distingué. Quelle différence faisait le médiéval entre la folie et la possession ? Eh bien, que la possession était un phénomène surnaturel. La possession, c'est la prise de pouvoir du démon, d'un démon sur une personne. Le démon entre dans la personne et prend possession d'elle. Et la folie, c'est une maladie naturelle, c'est un trouble naturel qui est causé, comme le disent les médecins médiévaux, par un déséquilibre des humeurs ou bien par une lésion au cerveau. C'est ça. Donc, mais il y a cette perspective thérapeutique. Il y a aussi quand même la conception que quoi, cette représentation collective que la folie est déjà une peine, que la folie est souffrance. C'est absolument pas du tout la perception qu'on va avoir plus tard au XXe siècle, où il y a dans la folie une sorte de révolte contre l'ordre établi, qu'on va retrouver, qu'on trouve un peu chez Foucault, mais qu'on retrouve chez d'autres. Le fou, c'est celui qui s'affronte, se confronte à l'ordre établi, qui le conteste, qui le remet en cause. Là, pas du tout. On a tout à fait conscience que c'est une souffrance, la folie. Alors, c'est vrai qu'en premier lieu, c'est une souffrance. Et il y a d'ailleurs une maxime juridique latine, mais je vous la dirai en français, qui dit « le fou est assez puni par sa folie elle-même ». Il est assez puni par son état, donc inutile de le punir en plus. Il y a aussi une expression qui parle du malheur de son état, le malheur de son destin. Et qui tenait lieu de peine. C'est pas la peine de le punir deux fois, il est déjà puni par sa folie. Voilà, hein, tout à fait. Et cette maxime morale vient s'ajouter au principe plus juridique qui veut que le fou n'est pas responsable de ses crimes. Est-ce qu'il y avait aussi la perception que la folie était une punition? Que s'il était fou, c'est parce qu'il était le fruit d'une relation incestueuse ou adultérine et que donc il payait en quelque sorte la faute de ses parents ou voire une faute de lui-même? Eh bien, oui, hein, on peut aussi trouver cette idée-là, et je le répète, la période médiévale n'est pas faite d'un bloc, et des opinions contrastées pouvaient coexister. Donc dans un environnement plutôt ecclésiastique, qui est très imprégné par l'idée de faute, de faute morale, de péché, on pouvait trouver cette idée-là, que la folie serait peut-être le prix à payer pour les péchés. Et d'ailleurs, dans la Bible, il y a plusieurs exemples de personnages frappés de folie. Nabucodonosor, par exemple, est frappé de folie. Dieu le frappe de folie parce qu'il a fait preuve d'un orgueil excessif. Donc les théologiens et les hommes d'église, de manière générale, ont aussi ces idées-là en tête. Mais Maud Ternon, il y a beaucoup d'écrits. Il n'y avait pas d'écrits sur la justice des fous. Je crois que vous êtes une des premières à le faire en France. Mais il y a beaucoup d'écrits sur les représentations sociales de la folie. Et je pense bien sûr à Michel Foucault. Je pense à une image qui est très importante, c'est la nef des fous. La nef des fous. Et vous êtes un petit peu sceptique à l'égard de cette image. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste la nef des fous et pourquoi est-ce qu'elle vous laisse un petit peu sur votre faim? Alors, la nef des fous, à l'origine, c'est-à-dire à la fin du XVe siècle, c'est un poème, c'est un livre plutôt, un ouvrage de Sébastien Brandt, néerlandais, qui développe une satire de la société de son époque et une satire très générale sur toutes les grandes figures et les grands personnages qui l'entourent. Et ces personnages, il les place sur des nefs, donc des vaisseaux satiriques, et il se moque d'eux, de leur travers et de leurs vices. Donc il y a cet ouvrage-là. Et cet ouvrage-là était illustré par des gravures. On est au début de l'imprimerie. Un grand nombre de ces gravures étaient d'Albrecht Dürer. Et on représente la nef des fous. On représente des fous sur un bateau qui dérive sur la... Tout à fait. Voilà, on représente des bateaux chargés de fous. Et en cette fin de XVe siècle, la représentation stéréotypée du fou, c'est celle du fou de cour, en fait, du bouffon. Donc le personnage qui tient à la main sa marotte, son sceptre avec une petite tête au bout et qui porte sur la tête un capuchon avec des grelots. Voilà, ça c'est la représentation stéréotypée du fou à la fin du XVe siècle. Mais il y avait une réalité, sociale, on a de la documentation sur les bouffons. Et il n'y avait aucune réalité sociale derrière cette représentation figurée. Ça n'a jamais existé, les bouffons, historiquement à la cour. Alors si, je suis sans doute aller trop loin, les bouffons de cour, ça existait tout à fait, c'est documenté, c'est très bien documenté, et ils étaient probablement vêtus à peu près de cette manière-là. Mais ce qui n'a jamais existé, c'est de mettre tous les fous, et d'ailleurs tous les bouffons de cour, sur des bateaux et de les faire partir au loin, au gré des rivières. Parce que c'est ça que Michel Foucault a pensé et a écrit dans son livre « Histoire de la folie à l'âge classique ». Il a pensé que les villes médiévales mettaient les fous sur des bateaux. Ils prenaient tous les fous qu'ils trouvaient dans leur ville, ils les mettaient sur des bateaux et ils les faisaient partir au loin. Et ça, c'est entièrement faux, ça n'a jamais existé. Ça a été démontré par les historiens et les historiens de l'art qui, eux, ont démontré que cette représentation était purement un stéréotype culturel et iconographique. Qui peut avoir une valeur en tant que représentation culturelle, mais qui n'avait pas de réalité historique. Absolument. C'est ça, mais alors, parce qu'en réalité, les fous, on les enfermait à la maison. Il y avait une obligation pour la famille qui était chargée de la curatelle, qui était chargée d'administrer les biens, mais qui était aussi chargée d'enfermer, de tenir, de garder les fous chez eux. Voilà, tout à fait. Hein. Si on se demande ce qu'il advenait des fous les plus dangereux, les fous agités au quotidien, en effet, ils étaient gardés chez eux, ils étaient enfermés dans une pièce, ils étaient gardés par un membre de leur famille ou un membre du voisinage, parce que les voisins étaient très proches entre eux et très solidaires entre eux à cette période-là. Et puis, les fous pouvaient être enchaînés, hein, attachés par des chaînes ou des cordes, ce qui nous paraît aujourd'hui tout à fait inhumain, mais ce qui était à l'époque le moyen principal, dans la mesure où les pouvoirs publics n'étaient pas très enclins à s'occuper des fous. Ils ne prévoyaient pas de le faire. Les prisons médiévales... C'est une obligation personnelle, c'est une obligation familiale, pas une charge publique. Absolument. On peut tout à fait dire ça comme ça. Ce n'est pas une charge publique et c'est quelque chose qui doit être pris en charge par la famille, par la parenté. Y compris en Angleterre ? Et oui, pour ça, en Angleterre, c'est la même chose. Cette idée que le pouvoir public doit prendre en charge le problème de la folie émerge après la période médiévale. Mais en revanche, en Angleterre, il y a l'idée que la garde, et la garde des biens notamment, des fous, revient au roi, beaucoup plus qu'en France. Oui, absolument. Et il faut bien distinguer ce qui relève du volet pénal, donc la garde des fous agités, ceux qui sont dangereux, et ce qui relève de la justice civile, la justice qui tourne autour des biens. Et effectivement, en matière de biens, en Angleterre, la situation est très particulière. Elle est bien différente de ce qu'on observe ailleurs en Europe, parce qu'en Angleterre, le roi avait une stature un petit peu différente, une stature politique un peu différente. Il s'érigeait comme un seigneur, un super seigneur, si vous voulez, à savoir que sa royauté était très féodale. Plus qu'en France. Plus qu'en France, voilà. Et donc, à ce titre-là, il avait une sorte de pouvoir de subsidiarité sur tous les autres suzerains. Oui, tout à fait. Hein. C'est un suzerain doté d'une force particulière et ça se reflète sur la politique familiale, si l'on peut dire. Le roi anglais possédait une prérogative de garde des biens des orphelins et des déments. À la fin du XIIIe siècle, le roi anglais s'est affirmé face à l'aristocratie de son royaume notamment, en disant « lorsqu'il y a un dément dans une famille, c'est à moi d'effectuer la garde de ses biens, donc de mettre la main sur ses biens, de les gérer, d'en prendre l'usufruit au cours de cette garde ». Voilà, ça doit revenir au roi anglais. Et je parlais de féodalité, et effectivement, cette prérogative, c'est une prérogative typiquement seigneuriale et féodale que le roi anglais s'est appropriée. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit d'ailleurs au travers de votre livre, c'est à quel point la question de la folie, la question de la famille est profondément politique. Et profondément politique. Elle montre la nature et la profondeur du lien politique entre un sujet et le roi, qui passe ou non par la famille, ou qui passe par cette sorte de droit subsidiaire qu'a le monarque anglais sur tous ces sujets, par-delà les suzerains, dites-vous, et par-delà les familles. C'est pour ça que les familles cachent d'ailleurs leurs fous, pour pas qu'on vienne leur piquer leurs biens. Absolument. Les familles trouvaient, disons, des solutions de contournement à ce pouvoir du roi anglais. Ça a été étudié par des historiens anglais, de manière à ce que le roi ne mette pas la main sur leur bien familial. Et c'est là, en étudiant en fait les solutions pragmatiques développées par les familles, qu'on est amené à réduire un peu la différence dont je parlais entre la France et l'Angleterre. Parce que finalement, en Angleterre, le roi possédait ce droit très fort, mais les familles s'arrangeaient pour le contourner un peu, et les officiers du roi s'en accommodaient. Et en France, à l'inverse, le roi ne possédait pas ce droit-là, mais il s'arrangeait On en appelait au roi par la lettre de rémission. Oui, mais même au niveau civil aussi, on en appelait aux tribunaux du roi. Les familles se servaient beaucoup des tribunaux du roi pour... gérer leurs biens et prononcer des curatelles. Voilà. Mais il n'y a pas du tout l'idée de soins. Il n'y a pas du tout l'idée de soins psychiatriques comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette idée que le fou appelle des soins indépendamment de son acte, son passage à l'acte. Ça n'existe pas du tout. Il n'y a pas de soins, enfin. Il n'y a pas d'hôpitaux psychiatriques. On va pas, comme on va faire pour les lépreux ou comme pour d'autres personnes affectées d'un certain mal, les regrouper en essayant de les aider. Là, c'est chacun pour sa famille. Et en même temps, on voit naître quand même la naissance, les prolégomènes très archaïques d'un hôpital psychiatrique. Alors, ce qu'il n'y a pas, effectivement, c'est l'idée de soins collectifs. Voilà. L'idée de soins collectifs des fous n'existe pas au Moyen-Âge. Le soin est donné au dément dans sa famille et... C'est de la garde, en fait. C'est pas tellement du soin, c'est du garde. Alors, je tiens tout de même à ce mot de soin, comme les anglo-saxons diraient le care, mot à la mode, parce que j'ai trouvé dans mes archives l'exigence d'une douceur dans le traitement réservé aux déments. Il est vrai qu'on l'attache, il est vrai qu'on l'enferme, mais en même temps, l'idée de faire bonne garde, c'est d'apporter un soin un petit peu humain à ces personnes qui sont malades. Et cette idée-là est très présente à la période médiévale. Mais il n'y a pas de soins collectifs, et comme vous venez de l'évoquer, cette idée d'un traitement collectif, donc je dirais d'une administration du problème de la folie, elle émerge à la toute fin du Moyen-Âge, et elle est due, on la doit, aux municipalités. Les municipalités du nord de l'Europe développent au cours, disons, peut-être du XVe siècle, même s'il y a des prémices avant, une politique de gestion publique de la pauvreté et de la charité. Elles mettent la main sur les hôpitaux médiévaux et elles en font des lieux de gestion de la pauvreté. Et là, très progressivement et surtout après, au XVIe siècle, on va voir apparaître un traitement collectif des fous. Merci beaucoup, Maud Ternon. C'est moi qui vous remercie, Antoine Garapon. Matière à penser, Maud Ternon, Séam Boutata, Claire Levasseur. Anne-Pascale Desvignes, Antoine Garapon.